Impossible de proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui s'imposerait de facto à l'ensemble de peuples qui ont leur propre conscience et leur propre histoire, et qui, s'ils veulent bien retenir le principe édicté, la démocratie est un principe universel, doivent savoir comment s'y diriger. Et il n'y a pas 36 chemins. À la démocratie, il faut un État. À la démocratie, il faut le développement. Et il faut l'apprentissage des libertés. La France, bien entendu, liera dans sa démarche tout cet effort de contribution à tous les efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Dans les heures qui suivent cette allocution, RFI tend son micro à plusieurs responsables africains afin de connaître leur réaction. En premier lieu, Abdou Diouf, le président du Sénégal.